conversation scientifique par Étienne Klein. Aujourd'hui, la gravité du vide. Qu'est-ce que le vide ? Un rapide coup d'œil dans un dictionnaire laisse perplexe. Il fait voir en effet qu'il y a toutes sortes de vides. Le vide qu'on réalise grâce à une pompe à vide n'a guère à voir avec le néant hindouiste ou la vacuité bouddhiste, ni avec cette autre sorte de vide qu'on fait autour de soi en allumant un cigare, ni avec le vide que redoute l'acrophobe, mais qui excite l'alpiniste. Le mot vide apparaît ainsi, ironiquement, victime d'un trop-plein de signification. Il faut donc préciser ce que l'on met derrière ce mot trop vague. On dit fréquemment que le vide est ce qui reste dans un récipient après qu'on en a tout enlevé. Il serait en somme le lieu de la béance intégrale, de l'absolue vacuité. Soit, mais en le présentant ainsi, on tombe sur un problème. Si le vide existe, c'est qu'il n'est pas rien, c'est qu'il est quelque chose de particulier. Mais curieusement, ce quelque chose de particulier qu'il est ne doit pas être enlevé quand on fait le vide, sous peine de faire du vide en question un pur néant qu'il ne peut pas être, puisqu'on vient de dire qu'il était quelque chose. En clair, pour faire le vide, il faut tout enlever, absolument tout, sauf le vide. Nous voilà bien avancés. Pour en savoir plus, il faudrait questionner un physicien, un philosophe et sans doute d'autres spécialistes. Nous le ferons une autre fois. Pour notre conversation scientifique d'aujourd'hui, j'ai invité une personne qui fait joujou avec le vide et avec la gravité. Une personne qui joue pleinement avec le vide de façon grave. Bonjour Chloé Molia. Bonjour Étienne Klein. Bonjour, vous êtes... alors je sais pas comment vous présenter à vrai dire. Vous êtes artiste, trapéziste, mais plus trop maintenant, je crois. Ouais. Vous êtes acrobate. Vous êtes une femme qui a le goût du vertige. Non, tout ça non. Non, non. Alors, je vous laisse vous présenter vous-même. Mais c'est compliqué de nommer, de mettre des étiquettes. En fait, je crois que je préfère dire en quoi consiste mon activité, en tout cas pour celle qui relationne avec le vide, on va dire. Où effectivement, bah, je passe du temps suspendu, on va dire, à des barres de, à une, enfin, en général, il n'y en a qu'une, à une barre d'acier, à quelques mètres du sol. Parfois 8 mètres. Voilà. Et c'est une barre qui n'est pas rectiligne, elle est curviligne souvent. Oui, oui, les lignes droites m'ennuient. Peut-être parce que j'ai fait du trapèze un temps et c'est un petit fragment de ligne droite et que ça m'a semblé bien contraint au bout d'un moment. Donc vous êtes suspendu. Voilà. À la force des bras en général. Et vous avez des mouvements qui sont assez lents. Alors ça, c'est une question de changement de focale, je dirais. C'est lent si on regarde de loin de la même manière que depuis le sol. Quand on regarde un avion qui passe dans le ciel, on a l'impression que... qui va doucement, mais on peut se dire que finalement l'avion va vite. Alors vous allez me dire c'est relatif à selon qu'on le compare, etc. À mon endroit, j'ai pas du tout l'impression d'aller doucement. Je crois que je vais au rythme qui me permet d'être attentive à ce à quoi je m'occupe. C'est-à-dire qu'en fait tout va, je crois, mais ça va très très vite à l'intérieur, autant dans les sensations qui se passent, dans le juste pour faire un mouvement, pour lâcher un bras et reprendre. Il y a énormément de petites choses qui s'accomplissent à l'intérieur, certaines que j'accomplis, d'autres dont j'ai l'impression qu'elles s'accomplissent en moi. Et le temps d'observer tout ça en tenant compte de l'intérieur, de ce qui se passe à l'extérieur, ben ça fait beaucoup de choses. Donc c'est comme si je m'occupais des sommets des montagnes. De loin, je pourrais prendre un TGV puis les regarder de loin. Si je m'occupe des pâquerettes, il faut que je marche, et voire même il faut que je m'arrête si je vais encore sur du plus petit. Et comme je m'occupe de choses assez petites finalement... Ben, mais qui prennent quand même du temps. Je vous ai vu descendre, je sais pas si c'est le bon terme, descendre une barre. C'était une barre de 35 mètres, je crois. Parcourir, cheminer, ça a duré plus d'une demi-heure. Oui. À la force des bras. Oui. Bon, j'ai essayé pour mon... propre compte, j'ai tenu 30 secondes. Je m'en souviens. Donc je pense qu'il y a, il y a quand même chez vous une dose d'entraînement qui est colossale. Une certaine ténacité peut-être. Voilà. Et comment est-ce que vous faites pour vous entraîner et avoir confiance en vous, sachant que vous n'êtes pas assuré là-haut ? Alors ça, la question de l'assurance, hein, elle est étrange parce que dès qu'on va mettre des des lignes de vie à cet endroit-là, ou enfin ce qu'on appelle des longes dans le milieu circassien, ou des protocoles de sécurité externe, on va se tranquilliser. Et quand on va se tranquilliser, étrangement, le danger peut remonter. Donc je crois que j'aime bien cultiver une forme de douce inquiétude, on va dire. C'est-à-dire de ne pas être paralysé par la peur et en même temps de garder toujours une forme d'éveil. Et du coup, le danger s'éloigne plus pour moi à cet endroit-là. Mais vous n'êtes pas inquiété par la possibilité théorique de la crampe, Chloé Molia ? Mais non, alors ça, vraiment pas. Mais ça, c'est étonnant. C'est comme si... on s'inquiète pas de ça quand on prend la voiture, on est à 130 km/h sur une route et puis on... Ça c'est vraiment une question d'habitude qu'on a des choses. La crampe, elle n'arrive pas en pareil cas. Elle n'arrive pas, ou si jamais elle arrivait, elle n'arrive pas dans un membre qui va être vraiment, dont l'usage va être absolument nécessaire à ce moment-là. Et puis la crampe, c'est une question de respiration, c'est quand même une question de savoir vivre. Mais est-ce qu'on peut raconter comment ça vous est venu, cette idée de passer autant de temps suspendu par un bras à une barre métallique à 8 mètres de hauteur? Alors, comment ça m'est venu, je ne sais pas vous par aviez, où je... Vous avez été trapéziste? Je ne sais pas si j'ai jamais été trapéziste, je crois que je ne me suis jamais reconnue dans ce terme-là. Par contre, j'ai appris à faire des vrilles sur un trapèze, oui. Oui, bon, on va dire que ça coïncide comme définition. Bah oui, sauf que j'ai peu exercé professionnellement en tant que trapéziste. Enfin, vous savez faire du trapèze. J'ai su. Voilà, vous avez su. Donc on va dire que vous êtes trapéziste. Et qu'est-ce qui vous a amené à passer de ce mouvement, disons, oscillant, qui est celui du trapèze, à... Oscillant. Enfin, oscillant en un seul mot, pour oscillant, le coup. Voilà. Pour un oscillant en deux mots. Voilà. J'étais très heureuse de faire ce parcours sur le trapèze, parce que j'ai appris beaucoup de choses. Mais ça n'a pas continué de m'intéresser, en fait, une fois que j'ai su faire les vrilles, les figures et osciller, comme vous dites, de part et d'autre. Ce qui est un espace vraiment fait de contraintes et qui est un peu régi par un système de valeurs qui s'étale en termes de figures, d'accomplissement ou non-accomplissement de figures. Alors ça a le mérite d'être assez concret, tangible, du coup c'est tranquillisant, mais voilà, une fois que les choses sont faites, et ben voilà, passons à autre chose. Et finalement, ça s'est opéré par soustraction, par réduction petit à petit. J'ai retiré le ballon. Je suis restée sur un trapèze fixe, qui est plutôt dénigré dans la discipline. Je me dis quand même, je vais explorer ça, qu'est-ce que c'est. Puis les figures m'embêtaient. Enfin, je voyais pas quel intérêt pouvait y avoir à apprendre à faire une figure. Enfin, tout le monde les avait déjà. Le trapèze fixe est méprisé dans la discipline. Oui, oui, il y a plein d'écoles de cirque qui ne prennent pas, par exemple, des étudiants qui ne font que du trapèze fixe, parce que ce serait que du trapèze fixe. C'est un système de valeurs qui promeut beaucoup, je sais pas, l'acrobatie, l'envol, etc. C'est un système de valeurs qui change, hein, c'est des modes, voilà. Donc, moi, j'avais réduit à ça dans un premier temps, et puis quand j'ai commencé à retirer carrément tous les figures, puis à me... Je sais pas, peut-être c'était aussi... Quand j'en parle, il me revient l'image du début de Vertigo d'Hitchcock, là, où il y a la course sur les toits, et puis et à un moment, il y en a un qui se retrouve pendu à la gouttière. Ce qui me semble incroyable, parce qu'une gouttière, quand même, moi, j'irais pas m'y prendre. Pas très solide. Non, j'avais aucune confiance là-dedans. Et cette situation-là, elle est... je crois qu'elle est commune, enfin, je crois que n'importe qui peut se reconnaître là-dedans. Et du coup, ça fonctionne très bien, d'ailleurs, dans le film d'Hitchcock. Il y a vraiment ce côté où... Il faut tenir, quoi. Il faut pas lâcher. Et il y a que ça qui a lieu. Alors, les questions de figures à accomplir, elles sont quand même loin. C'est une question de survie. C'est vital. Et du coup, en retirant tout, en m'attachant juste à cette situation de tenir au-dessus du vide et de pas lâcher, là, d'un coup, j'ai eu un fort intérêt pour cette situation-là et je me suis mise à la creuser par tous les bouts que j'ai pu trouver et je continue là-dedans. Mais est-ce que lorsque vous étiez enfant, vous grimpiez aux arbres? J'imagine que oui. Bien sûr. Oui. Aux oliviers. Aux oliviers. Oui. qui sont assez solides. Assez solides, mais pas très hauts. Alors, est-ce que vous pouvez me parler de ce que vous appelez la spire? Trois spirales d'acier de 7 mètres de haut et de 18 mètres de long. Oui, alors, il m'a été plus facile au départ de déployer des chemins faits de filins d'acier dans des salles de spectacle. C'est un petit peu là que je travaille. Et en même temps, dans les salles de spectacle, on est soigneusement isolé du monde. Alors, c'est intéressant pour une forme de focalisation du regard. Et en même temps, j'ai l'impression de sortir du monde. Il y a une chose étonnante. Et j'avais un autre spectacle où je travaillais en extérieur et où j'avais la sensation que d'être en extérieur permettait de, que le regard du coup se diffuse aussi alentour et de plus être au centre de ce qu'a lieu, mais d'être faisant partie de la trame du monde. Et du coup de travailler en termes d'attention sur ce qui a lieu là, ce qui a lieu à l'extérieur, un vol d'oiseau qui passe, et sur le lien que tout ça peut entretenir, en tout cas la coexistence de tout ça, après le lien, ça nous de le faire vous, ou pas. Vous touchez un public qui ne va pas dans les salles, forcément. En plus, voilà, en plus. Et puis ça replace cette action-là de tenir bon, ça replace ça dans le monde. Je sais pas, j'ai l'impression que ça donne un autre écho. Et du coup, j'ai eu envie de travailler ces formes de cheminement, parce que voilà, c'est là où j'avais changé aussi par rapport à la pratique du trapèze, c'est que le trapèze, c'est 60 cm de barre suspendue par deux fils. Et à un moment, je me suis dit, mais ça, c'est finalement, on pourrait prendre 5 mètres, on pourrait, du coup, ce dont vous parliez tout à l'heure, de travailler sur 35 à 45 mètres de barre dans une salle. Là, je me suis dit, tiens, on va déployer une ligne en extérieur. Et pour qu'il n'y ait pas besoin d'accroche, tout ça, je me dis, bah, il faut qu'elle repose au sol. Et j'ai imaginé cette espèce de grande spirale comme une ligne du temps cyclique après une ligne du temps linéaire. Ça, on peut rêver là-dessus. Sauf que c'est pas un cercle, donc on repasse pas deux fois par le même point. Ben non. Donc d'un point de vue topologique, c'est plutôt une droite. Oui, mais quand même, qui fait des hauts et des bas, et dont on retrouve après, c'est, ouais, ça évoque, je sais pas, le cycle des saisons. D'ailleurs, on l'appelle, des saisons où les bas de la spire, on les appelle les suds, les hauts, on les appelle les nords. Enfin, on s'est mis une manière de nommer ça. On savait pas au départ si on allait les nommer par du temps ou les nommer par de l'espace. On se dit soit c'est midi, minuit et 6h, 18h, soit c'est nord-sud, est-ouest. On a opté pour nord-sud, est-ouest. Mais Donc pour l'espace. Voilà. Et ouais. Alors vous écrivez quelque part, Chloé Molia, que vous faites en sorte que la force n'écrase pas la sensibilité. Ah ouais, ça c'est mon grand dada. Alors, est-ce que vous pouvez commenter, parce que je suis pas sûr d'avoir bien compris. Ouais, je vais essayer d'expliquer, d'être au plus clair. Quand on va déployer de la puissance ou de la force, en général, pour que ça passe, on annule la sensibilité. Il y a un côté un peu, on serre les dents, on ferme tout et on y va, quoi. Un peu bourrin. Voilà, j'osais pas le dire. Chez les alpinistes, on se met en off. Voilà, ah ben voilà, c'est une terminologie que je connaissais pas et que je trouve très juste. Il y a vraiment cet aspect-là et qui va souvent avec le côté de la puissance. Quand par ailleurs on est plus sur une démarche sensible, on va pas oser déployer la puissance parce que ça va l'écraser. Presque on n'y aurait pas droit. C'est presque un autre système de valeurs qui s'érige. Donc vous partez de l'idée qu'il y a une contradiction entre les deux. Eh bien, je pars non pas de l'idée, mais d'un bout de vécu de ça, en tout cas, qui n'est pas, qui s'étend pas à tout et qui se vérifierait pas partout. Mais disons que moi j'ai traversé ça. Je crois quand j'étais à l'école de cirque où. En cours technique trapèze, c'était on se met en off et on y va en bourrin. Et puis après, on a des cours de danse et là, on dit la force est superflu, c'est ton squelette qui te tient, etc. Donc il y avait une espèce de schizophrénie pour moi à cet endroit-là. Et ensuite, j'ai été assez surprise en allant me nourrir dans les arts martiaux, notamment dans le systéma, un art martial russe, que je trouve extrêmement intéressant à cet endroit-là, de voir, par exemple, juste dans un coup de poing, la sensibilité, mais incroyable, infinie, qu'il y a. Et ça m'a frappé, ça. Enfin, c'est le cas de le dire. Mais on a l'impression que la lenteur de votre déplacement dans l'espace, suspendu donc à ses barres, réclame beaucoup de force. Absolument. On a l'impression que des mouvements rapides pourraient se faire avec moins de puissance. Oui, parce que je retire tout élan. Alors ça, c'est encore une autre chose. Je retire tout élan parce que l'élan retire de l'incertitude. L'élan, quand on jette quelque chose, ben on peut prévoir à peu près là où ça va arriver, grosso modo. Quand on retire tout élan, tout est possible tout le temps, à chaque instant, dans n'importe quelle direction, n'importe comment. Mais quand on regarde, on a mal pour vous. Est-ce qu'on a raison? Ah, c'est dommage. Non, vous avez absolument tort. Non, surtout au bout de 20 minutes, on se dit mais ça doit être horrible. Je dirais ça dépend. De l'acide lactique à tous les étages et. Ça doit être intenable. Non, justement, c'est tout à fait tenable. Il est nécessaire que ça soit tenable. Et je crois que ça fait ça à certaines personnes, peut-être à vous, à d'autres, pas du tout. Il y en a qui se mettent à rêver, qui ont l'impression que je suis dans l'eau. Enfin, j'ai entendu pas mal de choses, donc peut-être je fais aussi surface de projection de vécu. Ça, je sais pas. Après, l'acide lactique, ça peut se sentir éventuellement le lendemain ou. Et encore. Après, il y a vraiment une question de respiration qui est énorme. Il y a vraiment une question de. On va y revenir, mais vous savez, dans cette émission, il y a une respiration, il y en a même deux. Ah oui, ce qui m'ont posé problème d'ailleurs. Au bout de 20 minutes, on passe à un morceau de musique que vous avez choisi. On va écouter le premier. Yeah. Chloé Molia, quelle est donc cette musique? Alors, c'est Fred Friss, c'est la dernière musique d'un album qui s'appelle Accidental. Et je ne l'ai pas prise pour ça, mais c'est en sortant la pochette du CD, je me dis « Ah oui, quand même !» Et j'étais très, très embêtée quand même à cette demande d'amener deux musiques, hein, quand même, je dois l'avouer. Parce que... Il y a trop de choix? Oui et non. Je vis pas avec de la musique continuellement, donc il n'y a pas... Je mets un morceau que j'écouterai beaucoup en ce moment... Ça, donc je me retrouvais devant à me dire quelque chose va être trop illustratif, qu'est-ce que je peux amener, ça raconte trop ou pas assez. En tout cas, cette musique illustre la lenteur de votre progression sur la barre, semble-t-il. En la réécoutant, pour moi, il y a une chose où ça me... C'est comme si elle décrit, là pour le coup, elle illustre ou elle décrit, ou musicalement elle raconte l'espèce de sensation qu'il peut y avoir quand... Quand la ténacité est un peu poussée à bout et qu'il faut quand même tenir, où il y a du coup ces espèces de nappes de sons qui sont longues, qui sont l'endroit où ça tient. Et derrière, il y a une espèce de rythme qui peut être soit cardiaque, soit psychique sur les une forme de résistance mentale à tenir, soit de la respiration, du souffle. Et il y a cette espèce de double couche de tenue longue et d'efforts assurés à l'intérieur. Et vous parliez de la respiration tout à l'heure, comment est-ce que vous la travaillez? Comment est-ce que vous faites pour que le rythme cardiaque ne s'emballe pas à mesure que l'effort se prolonge? Ça se travaille sur trois plans. Je dirais qu'il y a vraiment la respiration va aider à nourrir un état d'esprit. Il y a un état d'esprit à ne pas quitter. Il faut atteindre une sorte d'état équanime, je dirais. Et de cultiver une forme de tranquillité vis-à-vis de l'effort, vis-à-vis éventuellement de la douleur, mais qui, c'est toujours un mystère de ce que c'est tout ça, qui est souvent une interprétation qu'on se fait des choses et qui est souvent le reflet de notre angoisse ou de nos peurs. Donc il y a vraiment un travail par rapport à la peur, et la respiration est un moyen de régulation de tout ça, de réalignement du corps, de l'esprit, de l'émotionnel, qui est fabuleux. Qui est fabuleux. Et il ne s'agit pas de la contrôler ou de faire quelque chose avec ça. Je crois qu'il s'agit au contraire de retirer toutes les entraves à une respiration correcte. Et à partir de là, de la laisser être telle qu'elle est, au risque d'être surpris par le son, par le rythme, par ce que ça produit. Qu'il faut apprivoiser du coup cette nouveauté-là et pas la contraindre par une norme qu'on aurait apprise ou on aurait peur que ce soit autrement que l'idée qu'on s'en fait. Enfin, voilà. Alors on a parlé du vide, on va en reparler d'ailleurs, mais on parle aussi de la gravité. Vous savez qu'en 1907, Einstein a compris, en faisant une sorte d'expérience de pensée, que quand on tombe, on ne sent pas son poids. C'est-à-dire que tous les corps tombent à la même vitesse. Si on tombe, les corps qui tombent avec nous tombent comme nous. Donc par rapport à nous, ils sont en apesanteur. Donc la chute annule la gravité qui fait tomber pourtant. Et quel rapport vous avez avec la gravité, sachant que quand on est suspendu, c'est le contraire de ce qui se passe quand on tombe, on ne sent que son poids. Alors, quel rapport avez-vous avec chacun des grammes de votre corps? Un rapport d'une grande complicité, on va dire. Un rapport léger? Un rapport double, peut-être. Un rapport double parce que je crois qu'en même temps, ça me soulage. C'est étrange, enfin, ça semblerait l'inverse. Mais ça me soulage ou ça me rassure de sentir mon poids. J'ai l'impression que c'est ce qui me déclare être au monde, c'est ce qui me confirme dans mon existence quand même, un endroit. Et je crois que d'ailleurs, quand je faisais du trapèze, je crois que j'aimais pas du tout le moment d'absence de poids. Je crois que ça me... Quand vous étiez dans les airs. Oui, et j'avais étrangement une peur, mais je ne sais pas le dire, ça semble complètement fou. En fait, j'avais peur de jamais redescendre. J'avais peur de ne pas revenir. D'être débarrassé de la gravité parce qu'on sent plus son poids, justement. Oui, et que du coup, finalement, je reste là-haut. C'est vraiment pas une peur de la chute, c'est une peur de l'inverse. Alors, c'est complètement branquignolesque, on va dire. Vous avez dit dans une interview, j'ai un vrai plaisir à choir. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Mais parce que, justement, c'est cette sensation qu'il y a une chose qui s'accroche, mais après, à l'intérieur de l'enveloppe de peau, tout descend, tout tombe. Ça choix à l'intérieur de notre enveloppe... C'est pas choir dans les airs, c'est choir à l'intérieur de soi. C'est choir à l'intérieur de soi. Et oui, c'est plus choir à l'intérieur de soi, mais du coup, quand il est possible de choir aussi, quand il n'est pas possible, je ne le fais pas, bien entendu. Possible, ça veut dire qu'il y a un tapis en dessous? Oui, ou que, oui, c'est, oui. Ou que c'est. Non, un tapis, ça, j'en mets jamais, mais que c'est pas haut. Voilà. Mais autrement, je me contente de choir à l'intérieur de moi-même. Et d'ailleurs. Ah pardon, vous allez dire quelque chose, mais juste sur les histoires de respiration, comment je la travaille. Enfin, je reviens à ça dans le système A, dans les dans cet art martial-là, il y a beaucoup de pratiques de respiration, etc., pour libérer ça. Et il travaille notamment sur les apnées. Et c'est absolument étrange de voir comment, allongé par terre, quand on fait une apnée, il y a vraiment cette sensation de choir à l'intérieur de soi. Et voire même de s'y endormir un peu, de s'y déposer. Voilà, j'avais juste envie de dire ça, ça me le rappelle. Vous étiez déjà venu à cette émission il y a quelques années, 2 ans peut-être, et je vous avais rappelé que la chute des corps a une anagramme intéressante qui est hors du spectacle. Ça je ne l'ai jamais oublié, voilà. Je m'en souviens. Mais on pourrait dire que vous, c'est le contraire. Vous faites un spectacle avec la non-chute de votre corps. Et oui, c'est toujours une chute qui est retenue, et en même temps, il y a toujours chute, il y a ce qui retient et il y a toujours ce qui descend. C'est étonnant de sentir à l'intérieur de soi tous les liquides dont on est fait, j'allais dire qui nous habitent, mais je commets une erreur en disant ça, tout ce qui est nous, qui est liquide en étant nous, ou qui nous étant liquide, et de voir comment tout ça, ça va descendre. Et quand d'un coup, on en fait une inversion, je pense, mais à l'envers et tout, hop, ça repart de l'autre côté. Donc ça chute, il y a vraiment une chute à l'intérieur continuelle, tout le temps. Mais moi, je suis fasciné par la durée de votre spectacle, hein, je l'ai déjà dit, mais je voulais savoir si... entre le début de votre progression et la fin, votre rapport à votre corps a changé. Est-ce qu'il est plein de douleur à la fin ? Est-ce qu'il est soulagé, au contraire, d'avoir accompli sa mission, si on peut dire ? Ça dure 35 minutes, c'est très très long. Oui, ça peut durer 35-40 minutes, selon. C'est long, et en même temps, mais ça c'est étonnant, mais c'est complètement perturbant, cette histoire de sensation du temps. De travailler pour moi justement sur cette gravité du vide, sur cette manière d'effacer le poids tout en l'intégrant et en le contenant tellement qu'on finit par en effacer un peu les contours, en tout cas visuellement, eh bien je trouve que ça altère la sensation qu'on a du temps. Alors ça peut être une question que je pourrais poser à suspendre le temps, vous dites. En se suspendant à une barre, on suspend le temps. Oui, oui. Alors que moi j'ai l'impression qu'on fait tout l'inverse. C'est-à-dire que le temps se fait sentir au moins autant que la gravité. Oui, mais en se faisant sentir, c'est cette même chose-là. Moi, je travaille vraiment avec cette gravité, avec ce poids. Et en côtoyant ce poids vraiment à cœur, on va dire, eh bien, comme on finit par se connaître suffisamment pour pouvoir se gommer les contours au fur et à mesure. Et quand je travaille, des gens qui me disent « on a l'impression qu'il n'y a pas de poids, etc. » Alors qu'effectivement, il n'y a que ça. Mais quand il n'y a que ça, on peut justement travailler à le gommer en partie. Et de la même manière avec le temps. De la même manière avec le temps, effectivement, dès qu'on est suspendu, le compteur tourne d'une certaine manière. Mais dès qu'on est vivant, le compteur tourne, hein, c'est quand même pareil. Et en même temps, mais c'est toujours la respiration, un peu comme quand on suspend le souffle. C'est pas pareil, poumon vide et poumon plein. Ça vaut le coup d'essayer. Même quand on est dans l'air. Dans l'eau, on voit bien la différence. Ouais, mais même dans l'air. Quand on suspend le souffle, le rapport qu'on a au temps qui passe change. Et à la fois, ça passe plus et à la fois, quelque chose se suspend. Mais du coup, il y a comme un espace. Je ne sais pas si on parle encore en termes de temps ou d'espace, mais il y a comme un espace qui s'ouvre ou un temps qui se calme. Oui, je crois que c'est vraiment ça qui se cultive en suspension. Et la suspension, pour moi, c'est la suspension de quoi ? De moi, on s'en fiche. C'est une chose où d'un coup, il n'y a pas la descente d'une conclusion. Il y a une chose qui est suspendue comme en attente d'eux, comme en question. Et dans cette suspension-là, c'est pour ça que je retire les élans. Dans cette suspension-là, il y a une sorte de tout est possible, rien n'a lieu, tout pourrait arriver. Donc la suspension crée un suspense, on pourrait dire. Mais oui. Du coup, c'est quand même des mots qui sont tout proches et qui, pour moi, posent cette situation de quand une question est posée et qu'on n'a pas encore la descente de la réponse qui va conclure en ramenant au sol. Et on est attentif à l'écoute. France Culture, la conversation scientifique, Étienne Klein. Alors vous dites que vos spectacles posent des questions silencieuses. Bon, elles ont beau être silencieuses, est-ce que vous êtes capable de les formuler, de leur... donner une expression. Mais je crois que c'est ce que j'essaie de nommer à l'instant, à savoir que ça met dans cet état de questionnement. Et cet état de questionnement, en fait, c'est comme s'il peut après se focaliser sur telle ou telle chose, selon vers quoi on va le lancer. Mais c'est comme si avant ça, c'est un état qui forme une sorte de bulle, qui est un état potentiel qui va permettre de questionner tout. Et c'est ce qui est produit par le fait qu'il n'y ait pas d'élan. Et qu'il y ait ce suspense, cette suspension. Donc c'est comme si on s'ouvrait dans un état de curiosité possible. Cette curiosité, après, on peut la flécher vers ici ou là. On peut, On peut s'interroger sur le temps qui passe en même temps qu'on a la sensation qu'il suspend, ou qu'il passe pas, les mots m'échappent pour ça. On peut s'interroger sur l'espace, sur la résistance, mais tout pose question parce que il y a problème, il y a éventuellement inquiétude, il y a quelque chose qui nous met un peu au-dessus du sol et où on est conscient qu'à un moment ça va redescendre, mais on n'y est pas. Et donc il y a quelque chose qui reste vraiment ouvert. Et cet état ouvert, c'est cet état, je trouve, de questions silencieuses parce qu'elles sont juste en amont, à l'endroit du possible, à l'endroit d'une attention qui va les générer. Parce que c'est notre attention qui va la générer, la question. C'est parce qu'on va être attentif à quelque chose qu'à un moment, cette chose va nous appeler ou va surgir. Et bien là, c'est une manière de se poser un peu en amont et d'ouvrir cet état d'attention qui va permettre après de questionner tout avec une gourmandise. Ce que vous dites, ça me fait penser au vide quantique. Vous avez le vide quantique, pour les physiciens, il n'est pas vide, il y a des choses à l'intérieur, il y a de la matière à l'état potentiel, les particules ne sont pas vraiment là, mais leur possibilité d'existence est quand même là, il manque simplement de l'énergie pour les manifester réellement. Et d'ailleurs, Suron, qui n'était pas physicien, a quand même dit, dans l'élan vers le pire, tout est superflu, le vide aurait suffi. Et on peut dire ça du vide quantique, du vide tout court, du vide que vous fréquentez, si j'ose dire, c'est moins évident. Est-ce que c'est une phrase qui a un sens pour vous ? Tout est superflu, le vide aurait suffi. Ben oui. Est-ce qu'elle vous inspire quelque chose ? Est-ce qu'elle vous... Ben oui, elle me ramène à cette idée du vide, où effectivement, enfin, c'est pas vide de quoi on parle. Ça me refait penser à une phrase de... Enfin, un passage de Sylvain Tesson dans ses cabanes dans les forêts de Sibérie, là. Où il parle du moment où ceux qui l'ont déposé dans cette cabane dans la forêt de Sibérie lointaine partent. Et il dit à quel point, du coup, il va sourire au paysage et à quel point, avant, les visages de ses comparses prenaient une place folle, à tel point qu'il n'avait pas vu le reste. Et du coup, c'est comme si, pour moi, vider, c'est toujours gratter, c'est toujours retirer, et il reste toujours quelque chose. Mais du coup, ça va être des nouvelles couches auxquelles on va s'intéresser pour essayer de les faire partir et voir qu'est-ce qu'il y a derrière. C'est comme un... Le vide n'est jamais dévidé. Il n'est jamais évident. Non, en tout cas. Il reste toujours quelque chose. Pas. Oui, j'essaye. En même temps, ça me fait peur. Si un jour il ne reste plus rien, ça va être sacrément angoissant. Et ça l'est toujours un peu. Il faut côtoyer cette peur tranquillement. Et je crois, oui, oser retirer. Je ne sais pas, on rentre. J'ai l'impression des fois d'aller creuser des plus de profondeur du réel en retirant. Parce que ce que j'ai vu, ce qui va. Ne pas être le vide, c'est ce que j'ai reconnu, c'est ce que je peux nommer ou désigner, ce qui me parle en fait. Donc quand je le retire, je vais être d'abord sur une couche qui pour moi sera d'abord vide, avant de pouvoir encore sentir des contours que je connaissais pas. Et une fois que ça c'est nommé, il faut le retirer pour aller creuser plus loin. Donc le vide, je crois que c'est un état de ce que je projette ou de ce que je ne projette pas en fait sur ce qu'il y a autour, je dirais. On a parlé de la façon dont le fait d'être suspendu modifie le rapport au temps, disons. Mais par rapport à l'espace, quand on est suspendu, qu'est-ce que ça change dans sa perception de l'espace ? Est-ce qu'il est... On a l'impression que quand vous déplacez lentement, vous forez l'espace. C'est comme si l'espace était devenu une matière et vous creusez des trous à l'intérieur. Oui, oui. Il se densifie. Oui, absolument. Et moi, j'étais du coup... Je suis sensible et étonnée de voir de ce qu'on appelle en général le vide, quand on dit au-dessus du vide, qu'effectivement, c'est pas vide du tout, j'aime sentir ça. Vous êtes pas au-dessus, vous êtes en plein dedans. Et oui, mais quand je regarde celui qui est en dessous, je suis au-dessus. Quand je regarde celui qui est au-dessus, je suis en dessous. Mais encore plus. Au-dessus, encore plus, c'est pour ça qu'il faut pas regarder, c'est terrible. Et en même temps, c'est les autres, c'est le vertige dans l'autre sens. Et oui, du coup, Il peut y avoir un vertige dans l'autre sens ? Ah oui, je trouve, ouais. Je trouve. On peut être aspiré par ce qu'il y a au-dessus ? Oui, et c'est ce que je nommais tout à l'heure quand je nommais, je crois, ma peur de ne pas redescendre. Et que j'avais vécu quand j'avais travaillé. Kitsu Dumois m'avait invité dans son travail en apesanteur et elle m'avait invité sur des vols paraboliques. Et je me rappelle de cette sensation-là, de me retrouver dans cet avion en microgravité, du coup ne plus avoir de poids, ce qui était absolument fascinant. Et en même temps, ça me mettait dans une condition de... Je sais pas, je sortais de ma condition humaine à ce moment-là. Vous avez besoin de sentir que le plancher des vaches n'est pas loin. Mais j'ai besoin de sentir... Et que vous pourrez y retourner. Mais oui, je crois que sinon je doute de mon existence. le poids, je trouve que c'est vraiment... Je comprends, c'est que la gravité, c'est la preuve de votre... C'est votre preuve ontologique. Mais il y a une chose de cet ordre-là, où en tout cas ça met au monde... Enfin, le monde tel que... Le nôtre, c'est cette manière d'être attracté par le sol et d'être tenu ensemble. Là. Et vous sentez que chacun des atomes de votre corps est attiré par chacun des atomes de la Terre, par la gravitation ? Alors ça, c'est le résultant de toute cette petite force qui fait votre poids. Mais oui, et ça, du coup, ce que le grand plaisir que j'ai à me mettre ça dans la tête et à m'imbiber de cette chose-là, c'est de sentir que ça va pas que vers le bas et que finalement, si on est attiré par tout, ben on est attiré beaucoup par les côtés aussi, en fait. Oui, ils ont moins d'atomes en général. Mais oui, mais il y en a quand même. Mais oui, mais il y en a quand même. Du coup, ça fait une espèce de toile d'araignée qui, en général, on se dit c'est que vers le bas, et en fait non. Et en fait non. Et j'aime. J'aime défaire les idées qu'on a qui sont un peu, je sais pas, simplistes, et à un moment ça ouvre vers autre chose. Non, c'est pas juste ça. Est-ce qu'il y a des jours où ça va moins bien qu'à d'autres quand vous faites votre spectacle en apesanteur et qui en même temps travaille de pesanteur, comme on l'a dit? J'avais reçu il y a quelque temps Michel Cassé pour parler du vide en physique. Il avait sorti cette phrase étonnante: le vide, c'est comme le cholestérol. Il y a le bon, il y a le mauvais. Donc, est-ce qu'il y a des jours où le vide est bon pour vous et des jours où il est mauvais? Alors, je ne peux pas parler d'être équanime tout à l'heure et répondre oui à votre question. J'essaye de ne pas classer en bon et en mauvais, parce que sinon j'ai l'impression que je me mets à désaimer des choses qu'en fait je pourrais aimer. Donc, je préfère dire que tout est bon. Je trouve ça plus agréable et plus fertile pour le vivant, on va dire, qui m'habite. Par contre, il y a des textures différentes. Il y a des couleurs différentes, il y a des vécus différents. Il y a du plus ou moins agréable. Parfois, évidemment, j'ai plus mal aux mains que d'autres fois, mais même ça, je trouve que c'est pas mauvais. Et le public, ça compte? Vous sentez la présence du public? Ah, bien sûr, tout. Et quand quelqu'un, vous entendez dire quelqu'un dire, imagine, elle tombe, ça vous fait quelque chose? Ah, ça peut soit me faire sourire, soit... Donc, bien que très concentrée, vous êtes réceptive à ce qui se passe. Oui, mais parce que justement, je suis pas concentrée du tout. Je suis contre la concentration. Là, vous me faites peur. Mais non, parce que non, je vais m'expliquer plus pour pas faire juste la provocation inutile. La concentration, c'est focaliser sur un seul point au détriment du reste. À partir de ce moment-là, si je suis concentrée là-haut et qu'une porte se met à claquer alors que j'étais pas ouverte à cette possibilité-là, ça va me surprendre, éventuellement me faire sursauter. Jamais me faire tomber parce que je reste quand même professionnelle. Mais, mais disons qu'il ne faut pas être concentré. Parce que concentré, c'est ignorer tout ce sur quoi on n'est pas concentré. Et en général, c'est beaucoup parce qu'on est concentré sur un tout petit point, sur une petite chose, sur soi-même, je sais pas, sur ses mains, sur la barre, sur j'en sais rien. Si on troque cette concentration pour une pratique beaucoup plus exigeante, on va dire, qui est cette pratique de l'attention, on n'est pas attentif sur juste ça. On est attentif, c'est pas faire attention à, c'est être attentif. Et être attentif, ça ouvre cette concentration, non pas sur un seul point, mais sur les côtés, devant, derrière, à l'intérieur, à l'extérieur. Donc c'est quasiment un exercice mental aussi. Mais bien sûr. Mais ça, moi, je ne fais pas la différence. C'est spatial. L'attention, ça ouvre à l'intérieur de soi toutes les directions de l'espace. Ça oblige à être attentif par les côtés. Du coup, dans l'écoute, nos oreilles sont ouvertes sur les côtés. Attentif devant, derrière, on a les yeux pour ça. Attentif partout, on a toute la peau pour ça, toutes les sensations. Ça, et du coup, c'est mental, mais c'est sensationnel. C'est absolument sensationnel. C'est physique, du coup, c'est sur tous les plans que ça se joue. C'est être présent vraiment de partout. C'est l'animal dans les bois, quoi. La semaine dernière, je recevais Gérard Berry, qui nous a parlé, entre autres choses, des bugs informatiques. Et on a l'impression, vous, que l'idée du bug dans votre spectacle ne vous effleure jamais. Il y a une sorte de confiance, de sérénité. Et en même temps, La probabilité du bug est égale à zéro, comme il aurait dit. Disons que je m'occupe plus. J'ai l'impression que le bug, si je veux parler de ça pour du vivant, serait plus lié à une paralysie que causerait la peur du bug. Donc j'ai l'impression qu'il y a vraiment un gros traitement des peurs à effectuer. Et je crois que c'est une grosse partie du travail, c'est ça. Non pas de les annuler ou de les retirer, encore moins de les nier, parce que ça nous revient en plein fouet. Mais d'apprendre à connaître ça et à du coup se tranquilliser, c'est là où je parlais d'espèce de douce inquiétude ou d'une inquiétude qui va pas nier une forme de sérénité possible, mais en même temps dans l'inquiétude. Ça, il y a vraiment les deux choses à faire coexister. Il y a une sorte de lucidité à essayer de maintenir le plus possible et en même temps d'être tranquille là-dedans. Et la lucidité peut rendre fou si on n'a pas la tranquillité, et la tranquillité peut rendre stupide. Alors François Cosac, notre réalisateur, il a une peur qui est celle que j'oublie de vous demander de passer le deuxième morceau de musique. Alors je vais le faire tout de suite, comme ça je serai débarrassé de la peur qu'il a. Ну вот исчезла дрожь в руках. Теперь наверх. Ну вот сорвался в пропасть страх. Навек, навек. для остановки нет причин. Иду, скользя, и в мире нет таких вершин, что взять нельзя. Среди нехоженных путей один пусть мой, среди невзятых рубежей один за мной. А имена тех, кто здесь лег, снега таят. Среди нехоженных дорог одна моя. Здесь голубым сиянием льдов весь склон облит, и тайну чьих-нибудь следов гранит хранит. И я гляжу в свою мечту поверх голов, и свято верю в чистоту снегов и слов. И пусть пройдет немалый срок, мне не забыть, как здесь сомнения я смог в себе убить. В тот день шептала мне вода: удачи всегда. А день, какой был день тогда? Ах да, среда. Chloé Molia, de qui est cette voix grave ? Vladimir Vysotsky. Et la chanson s'intitule ? S'intitule, alors ça s'intitule « Vers les cimes ». C'est tout le contraire de vous. Oui, ça commence par, j'ai pris les paroles là, pour, ça commence par « Voilà, mes mains ne tremblent plus, je peux monter. Voilà ma peur à rouler dans le ravin, à jamais, ça commence par ça. » Je trouvais ça joli quand même. Et puis cette, j'ai un tout petit vécu avec le russe sur des séminaires de Sistema d'art martial russe que j'ai suivi par Valentin Talanov notamment et qui parlait russe, et du coup j'aime entendre cette langue parce que ça rappelle du vécu. Et puis là voilà, ça me semblait être dans cet embarras que j'avais à amener des musiques, ça me semblait être ça qu'il fallait prendre aujourd'hui. Je voulais maintenant vous interroger, Chloé Molia, sur une réflexion que vous avez exprimé dans une interview à propos du lien qu'il y a entre l'axe de la verticalité et ce qu'on pourrait appeler une hiérarchie morale. Léger, heureux, dites-vous, on parle de mœurs légères, on parle de réflexion au ras des pâquerettes. C'est comme si l'axe vertical était une sorte de jauge de nos valeurs morales. Est-ce que ça vous... Eh ben oui, la bassesse, l'élévation, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça, l'échelle sociale, enfin montée-descente, c'est énorme. Donc quand effectivement il s'agit de descendre, ça brasse pas mal de choses. Et en même temps, donc là, si on parle montée-descente, élévation et la bassesse, on est vraiment dans le fait que le haut est mieux. Quand, comme vous disiez, on parle des mœurs légères, ça d'un coup le haut devient moins bien, et on se place. Enfin, on est sur autre chose qui se met en regard de la responsabilité qui est associée en général au poids. Donc être responsable, c'est être plutôt au sol, dans le poids. Et voilà. Et en même temps, c'est la bassesse, le ras des pâquerettes, enfin tout ce qu'on veut. Donc c'est effectivement, enfin, je suis attentive et toujours étonnée de voir comment ces situations spatiales vont charrier des imaginaires et des jugements, et des opinions éventuellement, des avis, des couleurs, enfin... Alors à propos des histoires de haut et bas, et vous oscillez entre les deux, je voulais vous lire un petit extrait d'un texte d'Antonin Artaud dans Le Théâtre de la Cruauté. Et ce texte contient cette phrase: « Notre corps est fait pour absorber toutes les possibilités errantes de l'infini du vide. » Alors je vais vous lire le texte en entier, il est un peu plus long. Le corps humain est une pile électrique chez qui on a châtré et refoulé les décharges, dont on a orienté la vie sexuelle, les capacités et les accents, alors qu'il est fait justement pour absorber par ses déplacements photovoltaïques toutes les possibilités errantes de l'infini du vide. Faites danser enfin l'anatomie humaine de haut en bas et de bas en haut. C'est pour vous ça, non ? Oui. Eh oui, eh oui. Mais ça s'appelle le théâtre de la cruauté. Ouais, Antonin Artaud, ouais. Alors vous dites aussi, un peu plus loin dans la même interview que celle que je citais tout à l'heure, que vous avez la capacité à faire corps avec l'instant. Donc c'est l'histoire de la suspension dont on parlait. Où j'ai dit ça, moi ? Oui. Et ça a été un résumé vite fait, parce que je... Capacité à faire corps avec l'instant. Je la travaille. Dire que je l'ai, c'est abusif. Bon, peut-être que vous la travaillez en tout cas. Et je voulais vous interroger donc sur le statut de votre corps, pour vous. Sachant que les philosophes ont beaucoup théorisé le corps. Et je voulais d'ailleurs vous livrer un certain nombre de citations de ces philosophes pour voir si vous êtes d'accord avec eux ou pas. On va commencer par Plotin. Plotin dit « Le corps est un instrument qui nous a été confié pour un certain temps ». Ça va pour vous ? C'est un instrument ? Ah, je suis troublée parce que ça me donnera envie de lire au-delà de Plotin, parce que quand il parle d'instrument, je voudrais voir la teinte que ça a pour lui, parce que quand j'ai lu Plotin, il y avait une chose qui, je sais pas, qui colore autrement cette phrase-là. Je me demande comment elle est extraite du reste de Plotin. Je connais pas tout Plotin par cœur. Moi non plus, mais j'avais lu quand même et il y a une chose plus lumineuse pour moi que j'ai trouvée dans Plotin et qui, dans le terme instrument, là, non, quand je l'entends juste comme ça extraite, je dirais non, pour moi, c'est pas du tout un... Alors, on va passer à Saint-Augustin, à mon avis, il vous a mieux saisi que Plotin. Saint-Augustin parlait d'un corps spirituel et ce qu'il appelle ainsi, ce n'est pas un corps devenu esprit, c'est un corps qui obéit entièrement à l'esprit. Ah non. Non ? Non. Parler d'un exercice mental tout à l'heure. Oui, mais alors l'idée du corps qu'obéit à l'esprit, ça m'embête. Parce que on va être encore sur la supériorité de l'intellect par rapport au manuel, dans tous ces binaires où le corps va être méprisé au profit d'un esprit qui serait supérieur. La matière, on trouve ça pas bien, c'est pourrissable, ça va pourrir, c'est pas bien. Non, c'est très très bien que ça pourrisse, ça fait de l'humus pour la suite. Et je trouve que par contre l'idée de relier, d'avoir une pensée conjointe corps-esprit, mais j'ajouterais même je sais pas, affect ou cœur, ou d'avoir ces trois plans conjoints, oui, mais par contre que le corps obéisse aux lois de l'esprit, je trouve c'est compliqué, c'est comme si le corps avait ses lois auxquelles l'esprit devrait obéir aussi. Et... Bon, c'est l'occasion de passer à Spinoza. Ah oui, allons-y. Personne ne sait ce que peut un corps, dit Spinoza, il n'y a donc pas de miracle, le corps ne peut pas plus déterminer l'âme à penser que l'âme ne peut déterminer le corps à bouger. Mais voilà, ça vous va mieux, c'est une sorte d'unité entre les deux. Je me sens mieux là, ça va mieux. Ouais. Diderot, dans Le rêve de D'Alembert, je suis un peloton de points sensibles. Est-ce que la sensation est un élément fondateur de la conscience de soi ? Quand vous êtes suspendu. Oui. Je dirais que ça rejoint l'endroit où la force ne doit pas écraser la sensibilité et le sensuel, la sensation. Que les deux doivent pouvoir se déployer conjointement. Et après, la sensation, je dirais, c'est une question d'attention encore. C'est comme quand on parlait du vide, si visuellement je suis... C'est être sensible à des choses, c'est les faire apparaître ou les laisser exister. On peut nier des choses et on les désexiste. des fois, il y a ça. Et je trouve que... Il va falloir que je réfléchisse à ça. Je vous laisserai réfléchir. Bourdieu, le corps fonctionne comme un langage par lequel on est parlé. Est-ce que vous êtes parlé par votre exercice ? Je ne sais pas où. Alors, peut-être qu'il faudrait que j'y réfléchisse plus longtemps, mais ça m'évoque une chose un peu psychanalytique comme ça et qui ne me va pas non plus. Vous êtes difficile à saisir. Hein. Ah. Vous n'avez pas mis Bitter avec, dans un paradigme, lui, il disait que le corps, c'est... au risque d'un peu mal axer ou tordre sa pensée, malheureusement, mais que le corps, c'est l'ensemble de l'activité. J'aime cette idée, le corps en tant que l'ensemble de l'activité. C'est une idée qui peut sembler, qui est presque plus difficile à saisir, mais le corps dans l'idée, parce qu'on a l'impression que c'est la matière tangible de nous-mêmes, on a l'impression qu'on peut la saisir facilement, et je crois qu'il est nécessaire que ça reste un peu insaisissable. Il y a vraiment du... Il y a vraiment du mystère là-dedans et où on est contraint par les mots qu'on utilise. Et je trouve que là, enfin, je sais pas, il faudrait apprendre plein d'autres langues, mais en français, c'est, je trouve ça vraiment compliqué. On est vraiment sur corps-esprit. Il n'y a pas. On me dit, ah, vous travaillez avec votre corps. Ben non, je travaille effectivement aussi avec le mental, parce que si je suis mal positionnée dans ma tête, ça va pas aller. Et c'est pas que le corps suit pas dans ces cas-là. C'est la faute à Descartes, à votre avis? Ah non, si c'était que Descartes, on s'en sortirait. Enfin, non, je pense qu'il y a une pensée. C'est la faute d'un manque d'attention, je crois, à notre manière de vivre au sens propre. Manque d'attention au déroulement des événements qui se passent à l'intérieur de soi. De voir comment tout ça s'articule, qui fait qu'on a une idée qui, je trouve, inadéquate par rapport à ce qui a lieu. Notamment cette idée que l'esprit doit commander le corps. Ce qui est étonnant, c'est que quand vous faites votre spectacle, vous êtes silencieuse, et pourtant vous avez beaucoup de choses à dire. Ah oui, je parle beaucoup, hein. Ah là là. Mais j'aime beaucoup, par exemple... C'est pas ça que je voulais dire. Continuer. C'est un spectacle qui est extrêmement théorique, au-delà du fait qu'il est physique. Il était alors, très pensé. Je crois que dans l'étymologie de théorie, il y a l'aspect de la contemplation, oui. D'observer, de l'observation. Oui. À cet endroit-là, je crois que c'est très théorique. Alors, pas dans une contemplation qui partirait à rêver assez loin, mais dans une contemplation attentive, dans une forme d'observation de qu'est-ce qui a lieu. Et après, bah là, les mots peuvent arriver. Effectivement, il peut y avoir de la description après coup par le langage pour arriver à circonscrire tout ce qu'on a pu observer et à le faire exister, du coup, et à pouvoir jouer avec par la pensée. Mais... Ah, vous m'avez fait perdre, j'étais sur un truc. Ah oui, j'étais sur Bitter encore. Pardon, oui, je ne voudrais pas le lâcher celui-là. Bitter. C'est ma ténacité qui s'exprime. et Bitter, il décrit, je crois que c'est dans un paradigme, où il décrit comment le corps agit et se positionne au moment de l'apparition ou de l'émergence d'une idée. Donc on est vraiment dans l'esprit, par exemple, une idée qu'il saisit quand il va écrire son livre, etc. Et il observe comment son corps se met, comment son regard se place... dans une sorte un peu dans le vide, comme si le corps se mettait au repos pour laisser l'idée se former à l'intérieur, et qu'à partir de là, s'il arrive à placer des mots dessus, elle peut accéder à l'existence, justement, je repense au vide quantique, et si les mots n'ont pas été la saisir, ben elle va se réenfuir dans le flux. Mais le corps travaille là-dedans, le corps travaille ça, on le voit d'ailleurs quand on cherche un mot, je sais pas si on est à un moment, on cherche un mot ou qu'on ne l'a pas, on va être dans une disposition corporelle particulière pour que ce mot revienne. Et j'aime cet exemple parce qu'il parle, il touche cet endroit de corps-esprit où on ne sait pas par quel mot le nommer. Einstein disait, quand on l'interrogeait sur la façon dont il avait ses idées, Jacques Adamar, un grand mathématicien, lui avait envoyé un questionnaire auquel Einstein a répondu en disant qu'il avait une pensée musculaire. Il faisait des expériences de pensée dans lesquelles il mettait en scène son propre corps et essayait de ressentir ce que son corps ressentirait dans telle ou telle situation qu'il pouvait imaginer. Mais oui. Oui, c'est pour ça, je crois qu'on est vraiment... c'est par là qu'on est au monde, quoi, notre corps. Mais notre pensée aussi, les deux, enfin, l'ensemble. Et l'ensemble, en fait, est une seule et même chose. Moi, quand je tiens, quand à un moment la ténacité commence à me faire défaut, j'arrête pas de scruter, de savoir est-ce que c'est dans ma tête que j'en peux plus ou est-ce que c'est dans mon corps que j'en peux plus. Je ne trouve pas la réponse. Je ne trouve pas. Parce qu'en fait, c'est la même chose. Si dans ma tête, j'en peux plus, parce que d'un coup, je sens que... Vous dites jamais, c'est mon bras ? Mais non, parce que quand je suis vraiment attentive à ce qui a lieu au moment de lâcher, c'est passionnant d'aller creuser ce moment-là, du j'en peux plus. Déjà, d'essayer de se calmer dedans, et là, on voit qu'on en peut encore. Mais du coup, si quand je me calme dedans, psychiquement, je peux encore. Ça veut dire que mon bras pouvait, alors que je croyais que mon bras disait qu'il en pouvait plus. Donc c'est pas mon bras, c'est mon mental qui disait qu'il en pouvait plus. Oula. Mais si, vous allez me suivre. Si, c'est à partir du moment où on dit j'en peux plus. Qu'est-ce qui dit j'en peux plus? C'est dans le mental qu'on dit j'en peux plus. Le bras, il dit pas. Le bras, il tient ou il lâche. Donc vous dites pas j'ai mal au bras, vous dites mon bras a mal. Non, je dis je ressens. Enfin voilà, je ressens une douleur qui se place à cet endroit-là. Mais à partir du moment où je la ressens. Ça peut être parce que je suis inquiète du temps qu'il y aurait à tenir. Ça, c'est pas du tout pareil, par exemple, de tenir en sachant qu'on descend quand on veut, ce que je fais moi. Mmh. Et quand j'enseigne, par exemple, à des gens, eh ben, ils descendent quand je veux. Ah. Et je sais que je les mets à cet endroit-là, dans une situation psychique particulière et corporelle aussi, du coup, particulière, qui va générer une angoisse. Et on va travailler sur cette angoisse-là, justement. Et cette angoisse-là, elle va notamment créer de la douleur. Ils vont avoir très mal aux mains dans ces cas-là. Alors que quand ils décident, eux, peut-être ils restent plus longtemps et ils ont beaucoup moins mal aux mains. Donc ça, tout ça, c'est vraiment une histoire d'interprétation qu'on se fait des choses, de positionnement. Et voilà. France Culture. La conversation scientifique par Étienne Klein. Qu'est-ce que c'est les étonistes ? Ah, les étonnies, ça, oui. Vous avez été recherché des... J'ai fait ma petite enquête et j'ai vu que vous aviez collaboré, c'est le terme, avec les étonnistes. Qui sont-ils et qui faites-vous? Alors, qui faites-vous? Non, qui faites-vous avec eux? J'en faisais partie. Nous étions quatre et plus. C'était une proposition de Stéphanie Aubin, qui était à ce moment-là directrice du manège de Reims, et qui avait appelé Yann Duvendac, Jules Lignoche, Michel Schweitzer et moi-même à travailler ensemble, ensemble et en même temps chacun, sur qu'est-ce que produit en nous une rencontre avec une œuvre d'art. Enfin, qu'est-ce que vraiment, et du coup physiquement, psychiquement, qu'est-ce que ça produit, qu'est-ce qui a lieu à ce moment-là. Et donc on a essayé de creuser cette question-là, qu'on était amené à partager avec le public. C'était les étonnistes. Donc c'est le nom d'un groupe qui a produit un spectacle? C'était le nom du spectacle. Et pourquoi ce nom? Alors qui venait des précédents étonnistes, parce qu'en fait cette proposition a été faite aussi à une précédente équipe de quatre aussi, et qui justement s'était interrogé déjà sur cette question-là, et c'était l'étonnement qui présidait à ça. Donc, il s'était dit qu'il s'était défini en tant qu'étonniste, et du coup on avait repris, travaillant sur la même question, on avait repris cette dénomination-là. J'ai un peu travaillé, hein, vous l'avez vu, pour préparer cette émission, Chloé Molia, et j'ai trouvé une interview de vous dans laquelle vous parlez du boson de Higgs. C'est quand même étonnant, ça, de faire référence à cette particule détectée en 2012 après qu'elle a été prédite en 1964. Qu'est-ce que ça a changé dans votre rapport au vide? Eh bien, je suis... Ou à la masse. Oui, oui. Eh bien, je suis très gourmande, avide de tout ce qui va défaire des vieilles perceptions que j'ai, un espèce de monde un peu qui est construit d'une certaine manière. Et tout ce qui va défaire ces constructions-là pour montrer que c'était juste des constructions et qu'en fait, le continuum du monde est beaucoup plus étonnant que ces choses-là qui sont finalement assez simplistes, comme on se le met dans la tête. Et donc, cette histoire du boson de Higgs, là, à sentir à l'intérieur, ça me fait toujours un espèce de vertige, à sentir à l'intérieur que cette masse que je sens, qui fait partie de mes sensations, qui sont très, je sais pas, communes, avec lesquels je vis, et ben qu'en fait c'est une histoire relationnelle en grande partie avec ce vide que je côtoie, enfin que je dans lequel je suis, et qui du coup n'est pas vide. Et quand je le regarde, du coup, je le vois plus vide, je le vois même plein. Et quand vous parliez tout à l'heure que je traverse le boson de Higgs, il est responsable qu'une partie de votre masse. Oui, mais quand même. Vos électrons, ils sont couplés au champ de Higgs, et c'est ça qui leur donne la masse qu'ils ont. Mais vos atomes, par exemple, ils ont une masse qui vient plutôt des interactions entre les quarks à l'intérieur des protons, des neutrons. C'est E égale MC2 qui fait votre masse. Eh oui, mais de savoir qu'il y a une part de ça, alors que je ne pouvais pas me l'imaginer parce que je m'étais fait une construction mentale de moi-même et du monde qui ne laissait pas la place à ça, et d'un coup, qu'on me dise donc que... Donc vous sentez couplé à l'espace par le champ de Higgs? Mais oui, je trouve ça génial. Oui. Non, mais dans le sens où ça me retire d'une vieille perception que j'avais, ça recrée un vide appartement. Enfin, j'ai du mal à le comprendre, même si en lisant ça, j'essaie de me laisser imbiber par ces notions-là le plus possible, en repassant des couches et des couches et des couches, pour que ça finisse par m'habiter, ces notions-là, parce qu'elles ne sont pas simples à manger, en fait, au sens à ingérer, à vivre avec. Quand je m'entraîne à ça, oui, ça change la perception. Même si c'est effectivement une petite partie. Mais une petite partie, c'est déjà énorme. C'est pas comme je l'imaginais. Donc c'est merveilleux. C'est un monde qui s'ouvre encore. Enfin, c'est rassurant pour vous? Ah, je cherche pas à être rassurée. J'avais dit, j'aime bien être inquiétée un peu. Donc c'est ni rassurant ni... Non, ça, c'est ni rassurant ni inquiétant. C'est étonnant encore. C'est étonnant et l'étonnement me suspend encore dans une immense curiosité. Qui, je crois, finalement, est un peu le cœur pour moi du fait d'être vivant. Quoi. Il y a une manière de, je sais pas, d'essayer de manger le monde, enfin, d'être au contact de ça, d'être de ces notions-là quand je les apprends et que j'essaie de les relire et les relire et relire pour les ingérer, et du coup, d'essayer de vivre avec ça. Je sais pas, j'ai l'impression d'être, que ça met au monde encore. Ça fait creuser ce réel par contact. Il y a une des grandes questions que se pose le physicien qui est celle de savoir si le vide quantique gravite ou pas. Est-ce qu'il est sensible ou pas à la gravitation? Parce que les choses sont un peu séparées en physique. Il y a d'un côté la gravitation qui est décrite par Einstein. Il y a les autres forces qui sont décrites par le vide quantique. Est-ce que vous pourriez traduire votre expérience de la suspension dans des termes que les physiciens pourraient reprendre à leur compte? Oh, bah ça, cette question me laisse bras ballant. Bras ballant, vous, ça va oui, justement. Ça va vous reposer. C'est ça, sans dire à quel point. Non, mais en fait, je sais pas qu'est-ce que les physiciens pourraient reprendre à leur compte. Ça, c'est à eux de piocher s'ils en ont l'envie, mais je crois qu'ils ont déjà plein de... Non, mais quand on vous écoute, ça fait écho à des, d'abord à du vocabulaire de la physique et peut-être aussi à des idées de physiciens. Mais ça, je peux pas, moi, je suis pas compétente. Vous avez remarqué, Chloé Molia, que dans votre nom, il y a les lettres qui forment le mot agile. Et celle qui est à côté, c'est Moloch. Agile, Moloch, c'est votre anagramme. Moloch, c'est un être divin, hein, donc ça devrait vous plaire. Agile aussi, c'est... C'est plaisant, oui, c'est plaisant. Ça donne envie de creuser. Ce que j'aime bien là-dedans, c'est que il y a le côté divin, il y a le côté qu'on peut estimer un peu immatériel. Et puis agile, il y a au contraire l'aspect du corps, du matériel, de l'être au monde. À cet endroit-là, je suis peut-être assez satisfaite de cette conjonction. Oui, puis agile, ça fait aigle. Il y a cette phrase de Desnos, Le temps est un aigle agile dans un temple. Ça vous va bien, ça? Ça sera la conclusion. Merci d'être venu, Chloé Molia. C'était la conversation scientifique par Étienne Klein, avec la collaboration de Cyril Baer, à la technique Julien Douminc et à la réalisation François Connac.